Joséphine Beninger à Hélène Bayer à Paris. Ma chère Hélène, tu me demandes ce qu'il y a de nouveau. Ma foi, depuis la dernière lettre que je t'ai écrite, c'est à peine si j'ai mis les pieds dehors. J'ai été me promener 2 ou 3 fois en voiture, j'étais aussi au théâtre. J'y étais précisément hier soir, devine à quelle place, au balcon, premier rang. L'on est véritablement gêné qu'en bas. La pièce a un tel succès que, bien qu'on la donne déjà depuis 6 semaines, la salle était pleine. Et du monde très chic. Beaucoup de connaissances, à l'orchestre, au premier rang, quelques types assez bien. L'occasion m'a servi pour voir où j'en suis réellement. Voici. J'ai passé en revue tout le premier rang. C'était tout à fait curieux. Dans les derniers temps d'Émile, il m'est arrivé de ci de là d'avoir un caprice. Même une fois, je puis bien te l'avouer aujourd'hui, j'ai eu une toquade pour un de tes anciens, Karl Zabelberger, qui a une si jolie figure, mais qui n'a à peu près que ça. Précisément, il se trouvait à l'orchestre, ce Karl Zabelberger, mais cela ne m'a fait aucun effet, mais absolument aucun. À côté de lui, un de ses amis, que j'ai connu aussi, mais dont je ne sais pas le nom, très chic, plus chic que Karl lui-même. Puis un volontaire de dragon, pas mal. Puis le baron de Sanger, long, fade, qui a dormi pendant toute la pièce. Puis 2 étrangers, sûrement des Roumains ou des Italiens, très bruns, avec des dents très blanches, très élégants. Puis encore un vieux monsieur que je connais de vue, et qui m'a beaucoup plu aussi autrefois. Mais que veux-tu que je te dise? Je me suis posé cette question, lequel de tout cela aurait une chance auprès de moi en ce moment? Et à ma propre stupéfaction, la réponse fut « aucun ». Avec le public des loges, cela n'a pas mieux été. Je ne puis te dire combien j'étais heureuse de souper à la maison, toute seule, avec des petits plats que j'avais commandés pour moi. Oh, ce souper d'un seul couvert, et après le bon sommeil tranquille. Girardi a été merveilleux. Il m'a semblé un moment qu'il me saluait d'un signe de tête. À part cela, j'ai passé inaperçu. À la fin de la pièce, je suis sorti avec tout le monde. Il faisait une belle et chaude soirée, et je me suis rappelé bien nettement le temps où je me glissais le soir par la petite porte des artistes, il y a de cela quelques années, alors qu'Antoine venait me chercher. C'est incroyable, toutes les idées qui vous arrivent ainsi, parfois, le soir, lorsqu'on revient à l'air pur en sortant de l'atmosphère lourde du théâtre. C'est avec douceur que je me rappelle ces aventures du temps passé, de ce temps où je pouvais pleurer même de bonheur. Par Dieu, je ne suis pas encore trop vieille pour cela. Cela ne doit pas être de ma faute. Il me faudrait quelque chose de nouveau. C'est clair, survienne une de ces aventures de jeunesse, je redeviens jeune et je défie tous les petits trottins de 16 et 17 ans. Il faudrait par exemple que ce fût un homme intéressant. Il y a quelques mois, Émile m'a amené un artiste qui passait pour intéressant et qui était d'un fade, d'un insipide. Il était exactement pareil aux autres, sauf qu'il parlait moins et qu'il disait toujours qu'il avait mal à la tête. Ce n'est pas un artiste de ce genre-là que je pense. Je rêve d'un vrai artiste, sans mal de tête, exubérant de vie, quand même il aurait de longs cheveux et pas d'argent. Bref, un de ces artistes comme on en voit dans les romans d'autrefois. Oui, un de ceux-là aurait eu des chances hier. Mais où étaient-ils les artistes hier soir? Cependant, qui sait si un de ceux-là auxquels je pense m'aurait osé aborder, en voyant ma superbe toilette et mes turquoises aux oreilles? J'avais aussi de la poudre et même un peu de fard. Et maintenant que je me regarde dans mon miroir, maintenant que je suis en déshabillé, je dois m'avouer que je ne suis pas trop mal non plus, même sans phare et sans poudre. Ce serait une expérience à tenter de sortir ainsi pour faire des conquêtes, n'est-ce pas? Pour ne te cacher rien, mon désir de rester sage n'est pas sérieux. En réalité, j'aspire à un changement complet. Sais-tu qu'à un moment, j'ai pensé à venir à Paris, mais seul? De quoi cela aurait-il eu l'air? Et celui que j'attends alors? Non, non, cela n'est pas possible. D'ailleurs, les gens qui peuvent aller à Paris, je ne les envie pas du tout en ce moment. As-tu lu le roman que je t'ai fait envoyer par Lina? Écris-le-moi, et beaucoup de choses encore. Ta fidèle Pépite.